Chapitre 33. Pensez aux générations futures. 28 avril, 9 mai 2017. Le dernier vendredi du mois d'avril, Harry était en train de lire les rapports du matin quand Jason Apollo, le responsable du comité des inventions d'excuses à l'usage des moldus, vint frapper à sa porte. « Entrez donc, » l'invita Harry. « Je vous offre un café ?»« Je vous remercie, mais je ne vais pas avoir le temps. » »« Je pars enquêter sur une nouvelle bizarre que je viens d'entendre à la radio Moldu. Un tremblement de terre cette nuit dans le nord, suivi de phénomènes étranges dans un village. » Intrigant, commenta poliment Harry. Je suis allé faire un tour sur Internet et il semblerait que les appareils électriques ne marchent plus du tout aux alentours, ce qui me fait suspecter une émission de magie très forte. J'aimerais avoir un de vos hommes pour vérifier ça, au cas où ce soit quelque chose de pas clair. Je regarde quelle équipe est libre, répondit Harry qui comprenait enfin la raison de la visite de son interlocuteur. Envoyons Holoba, intervint Pritchard faisant référence à leur recrue anciennement briseur de sorts. Lui et Spinett n'ont pas d'enquête en cours. Harry accompagna Apollo dans la grande salle du QG et confia à Dayo et Alicia la mission d'identifier la magie à l'œuvre et de prendre les mesures nécessaires le cas échéant. Une heure plus tard, son miroir sonna. « Il y a une puissance énorme ici !» lui rendit compte Alicia Spinett. Dayo conseille d'appeler d'autres briseurs de sorts en renfort. « Y a-t-il des moldus dans la zone sous influence ?» s'inquiéta Harry. « Impossible d'aller vérifier. » « Mais peu probable. » puisqu'on ne peut pas y pénétrer. « Ne vous mettez pas en danger, » recommanda Harry. Il consulta son adjoint du regard. « Je préviens le ministre ?» demanda Stanislas. Depuis l'échange musclé qui avait opposé Harry à Ackerley, les deux hommes avaient minimisé leur contact. Harry devait reconnaître que lorsqu'il n'avait pu faire autrement que de se rencontrer, Ackerley s'était montré parfaitement poli, manifestant son intention de ne pas aller au conflit. Chacun avait soigneusement évité les sujets qui fâchaient et était resté cantonné dans son périmètre. Harry n'avait pas spécialement envie de collaborer avec le ministre et de risquer de se trouver une nouvelle fois en désaccord avec lui, mais il tenta d'évaluer objectivement la suggestion de son adjoint. Il était question de magie intense et de moldus à proximité. Il pourrait difficilement justifier d'avoir gardé cette information pour lui. De toute façon, le responsable du bureau des excuses se chargerait de le mettre au courant, si ce n'est déjà fait. « Alicia, peux-tu demander à Apollo s'il a parlé au ministre de la situation ?»« Non, il ne l'a pas encore fait, » répondit l'Aurore après avoir posé la question. « Dis-lui qu'on s'en charge, et j'ai bien envie d'aller voir ça moi-même. Je te rappelle dès que je suis dans l'atrium. » Une fois qu'il eut atteint l'aire de transplanage, Harry rétablit la communication avec sa camarade. Alicia fit basculer son miroir et lui renvoya l'image d'une vieille fontaine en pierre grossièrement sculptée et recouverte de mousse. L'arrivée fut moins brutale que d'habitude. En regardant ses pieds, le commandant des Aurores constata qu'il s'était enfoncé jusqu'aux chevilles dans une flaque de boue. « Ça ne pouvait pas être un peu plus loin ?» demanda-t-il à Alicia qui l'attendait à quelques mètres de là avec Holoba et Apollo. « Désolé, commandant, c'était le lieu le plus caractéristique, » répondit-elle l'œil pétillant. Harry grogna et regarda autour de lui. Il se trouvait près d'un sentier qui serpentait à l'assaut d'une colline dont le flanc s'ornait d'une brèche sombre. Les alentours vallonnés étaient recouverts d'une végétation dégarnie par l'hiver. D'où il se tenait, aucune habitation n'était visible. L'ensemble était plutôt sinistre. « Bien, » dit Harry. « Alicia, je voudrais bien un rapport complet maintenant. » L'Aurore raconta comment ils étaient arrivés près d'un village en émoi suite au tremblement de terre de la matinée, suivi de la panne inexplicable de tous les appareils électriques, y compris ceux marchant avec des piles, ainsi que du blocage de tous les moyens de communication par ondes. Ils n'avaient plus de téléphone, plus de radio, plus de réseau Internet. Les voitures n'arrivaient pas à démarrer. Alertés directement par des habitants qui s'étaient déplacés en vélo jusqu'à une zone non touchée, les secours, qui avaient dû finir à pied, semblaient parfaitement indécis sur la conduite à tenir. Les sorciers avaient contourné les moldus déboussolés et s'étaient avancés vers l'épicentre du sinistre. Visiblement, des sorts de repousse moldus bloquaient toute initiative de ce genre pour les non-sorciers. Ils avaient suivi le sentier et avaient dû stopper leur progression une centaine de mètres après la fontaine. Une force puissante était à l'œuvre, oppressante, glaciale. Ils n'avaient pas la moindre idée de ce que cela pouvait signifier. « Je vais voir, » décida Harry. Il avança prudemment dans l'étroit chemin, gardant une allure modérée, baguette au clair. Au fur et à mesure qu'il s'approchait de la faille, un malaise profond l'étreignit. Il avait l'impression que l'air s'épaississait et qu'il devenait de plus en plus difficile de respirer. Malgré son manteau, il sentit une ligne de sueur glacée couler le long de son dos et il dut raidir le bras pour que sa baguette ne tremble pas dans sa main. Il s'efforça de comparer ses sensations avec celles qu'il avait éprouvées quand il avait été confronté à l'amulette de convoitise 8 ans auparavant ou au médaillon des Gaunt qu'il avait porté durant de si pénibles moments. Il analysa que c'était radicalement différent, ce qui le soulagea un peu. L'amulette lui avait donné des envies de meurtre et le médaillon l'avait tiré vers le désespoir et le découragement. Or, à l'instant présent, il ne ressentait pas d'émotion imposée, pas plus qu'il ne se sentait dépossédé de sa personnalité. Il avait l'impression de se mouvoir à travers une toile d'araignée qui ralentissait sa marche, l'obligeant à produire un effort important pour avancer, qui le laissait le souffle court. Mais son esprit restait clair et vif, et lui indiquait que si la magie qui était à l'œuvre était monstrueusement puissante, elle ne semblait pas maléfique pour autant. Il revint vers ses compagnons. « Je pense que ce n'est pas de la magie noire, mais que cela nous dépasse, » annonça-t-il. Il vit les 3 autres opiner. Ils étaient arrivés à la même conclusion. « Je me demande si ce n'est pas du ressort du département des mystères, » réfléchit Jason Apollo. « Oui, vous avez raison, » approuva Harry, alors que Dayo grimaçait, sans doute du fait de la rivalité sourde entre les briseurs de sorts et les langues de plomb. Apollo repartit en transplanant mettre son idée en œuvre et Harry appela Pritchard pour le tenir au courant. « Je suis avec le ministre, » lui annonça son adjoint. Ce fut au tour de Harry de faire son rapport. « Notre priorité doit être la protection des populations, » décréta Carlyle en se rapprochant du miroir de son visiteur. Noir ou non, une magie puissante peut faire des dégâts. Nous avons la responsabilité de faire cesser les troubles que subit actuellement le village voisin. Le département des mystères que Mr. Apollo est allé consulter est sans doute le plus apte à trouver une explication à notre problème. Pour la sécurité, je vais appeler des briseurs de sorts en renfort. Ils sont particulièrement formés à ce genre de danger. Cela me paraît parfait, approuva Carlyle. Vous coordonnerez les 2 corps et me rendrez des comptes toutes les 2 heures. Bien, monsieur le ministre. « Je me charge de te trouver des briseurs de sorts, » intervint Stanislas. « Je te rappelle dès que j'en ai à t'envoyer. »« Parfait. À tout à l'heure. »« À plus tard, monsieur le ministre. » Alors qu'il se tournait vers ses collègues, Harry s'aperçut que Dayo s'était éloigné d'une 100aine de mètres sur le côté du chemin qui montait vers la faille et regardait en direction de la source de magie. « Je crois que je vois un lapin prostré mais vivant, » leur cria-t-il. « Je vais essayer de le récupérer. »« Ne prends pas de risques, » ordonna Harry. Une fois qu'il eut rejoint avec Alicia, Dayo précisa « Je vais utiliser un sortilège d'attraction. Il n'est pas loin du bord de la zone inabordable, c'est jouable. » Ils étaient à 1 mètre en deçà de l'endroit où la sensation d'oppression devenait gênante et, effectivement, on voyait un lapin couché sur le côté, 5 ou 6 mètres plus loin. Son flanc se soulevait d'une manière anormalement lente, mais il était évident que l'animal était vivant. L'ancien briseur de sorts dut s'y prendre à plusieurs fois. Mais il finit par trouver la bonne méthode et, par à-coup, fit doucement glisser le lapin vers eux. Enfin, il le sortit de la zone d'influence où l'animal resta inerte, sur le sol. Après avoir lancé quelques sorts pour vérifier qu'il n'émettait rien de dangereux, Dayo le caressa avec douceur, puis le souleva. « Il est un peu froid, mais son corps n'est ni rigide ni complètement flasque, » jugea-t-il. Il l'observa avec soin et ajouta. « Sa respiration s'accélère. » Le bruit d'un transplanage détourna leur attention. Apollo arrivait avec le chef du département des mystères, Tristan Funestar lui-même. Harry suspecta le ministre d'avoir donné quelques ordres. Apollo retransplana immédiatement, sans doute pour chercher d'autres personnes. En dehors des aurores, rares étaient ceux qui étaient capables de transplaner à partir d'une image renvoyée par un miroir. Le trio d'aurores revint sur ses pas. Le temps qu'ils rejoignent le nouveau venu, Apollo était déjà réapparu avec Géomathéis, dont Harry avait fait la connaissance lors d'une enquête. Le chercheur avait été victime d'un impérium qui l'avait poussé à voler une potion en cours d'élaboration. Apollo repartit de nouveau. « Qu'est-ce que vous faites là ?» interrogea Funestar, dès qu'il put s'adresser à eux sans crier. Son amabilité n'avait pas augmenté avec l'âge. « Nous examinons les lieux, » répondit Harry. « Je déclare cette zone secret magique et j'interdis la présence de tout intrus sur les lieux, » le coupa Funestar. Apollo reparut à ce moment avec Olivia Benson que Harry avait également interrogée. L'aurore la salua de la tête puis annonça. « Le ministre m'a nommé coordinateur de l'opération. Le département des mystères a la responsabilité pleine et entière sur l'identification de cette source de magie. Son but est de trouver comment la rendre inoffensive ou la contenir. Des briseurs de sorts auront pour mission d'assurer votre sécurité, celle de tous les intervenants et celle des moldus qui sont à proximité. Pour ma part, je rendrai régulièrement compte au ministre des actions de chacun d'entre vous. Nous ne pouvons pas travailler si nous n'avons pas la maîtrise complète des lieux, opposa Fenestar. Ignorant l'échange, Olivia Bunsen s'était approchée de Dayo, qui avait toujours le lapin dans les bras. Elle le lui prit avec douceur, puis lança ensuite quelques sorts sur l'animal qui récupéra soudain toute son énergie et chercha frénétiquement à échapper à sa poigne, qui se révéla étonnamment vigoureuse. « Magie non létale, » indiqua-t-elle d'une voix sans inflexion. « Puissante et primitive. Où l'avez-vous trouvée ?» Une fois les explications données, elle déclara. « Pouvez-vous le lâcher ? Je veux le voir courir. » Harry espéra qu'elle avait l'œil vif. En 2 secondes, le léporidé avait disparu. Pendant ce temps, Mathéis avait monté un appareil sur trépied et le pointait vers la faille. Il énonça une série de chiffres et de mots qui n'avaient aucune signification pour les profanes, mais qui semblèrent beaucoup intéresser les langues de plomb. Funestar avait pris le parti de faire comme si les Aurores et Apollo n'étaient pas là. Il donna des instructions à son équipe dans un langage tout aussi abscon que les énonciations de Mathéis, et ses subordonnés commencèrent à s'avancer dans le sentier. « Allez-vous vous approcher de la source de magie ?» intervint Harry. « Évidemment. Comment voulez-vous que nous fassions nos mesures d'ici ?» « Je suis responsable des opérations. Je vous serai reconnaissant de m'informer de vos allées et venues et de laisser un briseur de sorts vous accompagner. »« Pour qui nous espionne ?»« Pour votre sécurité. Le ministre a clairement réparti les rôles. Je ne fais qu'exécuter ses ordres, » martela Harry. « Les enchantements dont nous sommes dépositaires ne sont pas à mettre entre toutes les mains, » opposa Funestar. « Ce dont j'ai besoin, c'est de savoir si vous avez une idée de la manière de contrer cette magie et le délai que cela prendra. » Je sais que ce n'est pas agréable d'en référer à des profanes, mais la situation est complexe et le ministre doit pouvoir évaluer où nous en sommes. Finistère haussa les épaules et grommela. Nous allons nous approcher de la source pour mesurer le phénomène et l'analyser. Très bien. Dayo Oloba, qui est aurore et de briseur de sorts, vous accompagnera. Finistère mit brutalement fin à la conversation, en tournant le dos à Harry et en prenant le sentier, suivi après un temps d'hésitation par ses 2 subordonnés. Derrière eux, Dayo fit une grimace comique avant de leur emboîter le pas. Pendant que les langues de plomb procédaient à leurs premières mesures, Harry accueillit plusieurs briseurs de sorts, amenés par des aurores capables de les rejoindre grâce à leur miroir. Alicia n'avait pas menti. La fontaine était l'élément le plus significatif des alentours, ce qui fit que tous les nouveaux venus atterrirent les pieds dans la boue. Bill faisait partie de ceux qui avaient pu se libérer sur le champ. Il adressa un grand sourire à Harry quand il le vit, puis attendit patiemment avec ses collègues que tout le monde arrive. Stanislas avait réussi à contacter 2 femmes et 4 hommes possédant les qualifications requises. Harry leur demanda de se présenter, puis leur fit un topo de la situation et leur précisa leur rôle. Assurer la protection de tout ce qui interviendrait et tenter de limiter l'inconfort des moldus le temps que les départements des mystères trouvent une solution. « Le périmètre est-il délimité ?» s'enquit une des femmes. « Nous en avons fait le tour, » répondit Alicia. « La zone impénétrable est un large cercle de... je dirais un peu plus d'un kilomètre de circonférence. »« 250 à 300 mètres de diamètre, » calcula un collègue de Bill. « Par contre, la zone d'influence est bien plus étendue, » précisait Alicia. « Le village qui est à 500 mètres en descendant ce sentier subit des désagréments, à première vue liés à la magie. Les ondes et l'électricité sont bloquées. » « Donc à 750 mètres de l'épicentre, » jugea Bill. « C'est ça, » confirma Alicia. « Et en hauteur ?» demanda un briseur de sorts. « Plutôt cylindrique ou en demi-sphère ?»« Nous n'avons pas testé, » reconnut Harry. Harry les invita ensuite à approcher pour qu'ils puissent tous ressentir les effets de la magie, puis les laissa faire leurs propres mesures. « Costaud, mais semble neutre, » conclut le second membre féminin de l'équipe. « Tout le monde est d'accord là-dessus, » confirma Harry. « J'aimerais que vous regardiez ce que vous pouvez faire pour les moldus. » Après discussion, 2 des briseurs de sorts allèrent rejoindre les langues de plomb, tandis que les 4 autres descendaient vers le village. Harry nota qu'Apollo était reparti, sans doute pour préparer un message à l'intention des moldus. Vu la situation, une bonne explication serait plus efficace que les oubliators. Trop de personnes étant maintenant au courant de l'événement. Le commandant des aurores prit son miroir et fit son rapport au ministre. Il ne se passa pas grand-chose les heures suivantes. Les membres des mystères se déplacèrent autour du cercle pour affiner leurs mesures, d'ailleurs toujours sur leurs talons. Ils donnaient un coup de main pour porter le matériel et aider Matthäus et Ibbenson à négocier les inégalités du terrain. Ils n'avaient visiblement pas l'habitude de travailler en dehors de leur laboratoire. Ils avaient découvert des rochers tout autour du périmètre qui, une fois la mousse retirée, laissaient apparaître des messages d'alerte visibles par les seuls sorciers, comme au mémorial des Potter à Godric's Hollow. Ils indiquaient une zone magiquement instable et déconseillaient de poursuivre dans cette direction. Les briseurs de sorts tentaient de monter un mur anti-magie autour du village. Pendant ce temps, Harry et Alicia transformèrent leurs vêtements pour aller se fondre parmi les moldus. De nombreux journalistes se pressaient sur place, ce qui les aidait à passer inaperçus. Ils entendirent les reporters faire part de leur frustration. Impossible de filmer, d'enregistrer les sons ou même de photographier. La presse papier s'était reconvertie au carnet et stylo, mais leurs autres collègues repartaient avec leur matériel inutile, grommelant que sans image ou sans son, il n'y avait pas de sujet possible. Les autorités avaient découvert que les appareils à gaz arrivaient à fonctionner. Des réchauds, lampes à gaz et bouteilles de butane furent distribuées à ceux qui n'avaient pas de gazinière. Des charrettes et des chevaux avaient été mis à contribution pour les amener sur place. Il faisait encore frais, heureusement. La plupart des maisons étaient pourvues de cheminées et les flambées suffisaient à maintenir une température minimale dans les habitations. Les explications avancées allaient de la tempête magnétique à la météorite tombée en passant par une expérimentation militaire. Certains partirent en exploration autour du village, mais personne ne prit la direction de la colline où se trouvait la faille. Comme l'avaient dès le début supposé Apollo et les aurores, et comme ce fut ensuite confirmé par les briseurs de sorts, un très puissant et très ancien repousse moldu les dissuadait d'aller dans cette direction. Le soir arriva sans grand changement. Les briseurs de sorts avaient tenté plusieurs approches qui n'avaient pas été couronnées de succès et débattaient avec animation de la prochaine technique à essayer. Les langues de plomb étaient en train de revenir vers leur point d'arrivée, eux aussi en pleine discussion professionnelle. « Bien, je propose qu'on se trouve ici demain matin », annonça Harry. « Oui, à demain, monsieur Potter », accepta Joe Matthäus. Funestin ne répondit pas. Les yeux fixés sur la fontaine qui se trouvait quelques mètres derrière eux, comme hypnotisé, il s'avança vers elle, pataugea dans la boue sans paraître s'en rendre compte et se laissa tomber à genoux dans une flaque. Frénétiquement, il commença à ôter la mousse qui recouvrait le réservoir de pierre, puis utilisa sa baguette pour lancer des sortilèges de nettoyage. Il donna un ordre bref et ses deux collègues s'élancèrent à ses côtés en sortant leurs calepins de leur poche. Les aurores et les briseurs de sorts échangèrent un regard surpris avant de s'avancer à leur tour. Les trois autres ne leur prêtèrent aucune attention, fascinés par les symboles qui avaient été mis à jour. « Une explication ?» proposa l'un des briseurs de sorts. « Je préférerais une solution, » souhaita Bill. « La nuit va tomber, » fit prosaïquement remarquer Harry. « Voulez-vous qu'on fasse une copie de ce qui est gravé ici, que vous puissiez l'étudier au ministère ?» Funestar sauta sur ses pieds, les prenant tous par surprise. « Reculez !» ordonna-t-il d'un ton si pressant qu'ils firent tous un pas en arrière. « Plus loin !» exigea-t-il encore. En constatant que Matthäus et Bunsen n'avaient pas bougé et continuaient à prendre des notes sur leurs calepins, Harry en déduisit que ce n'était pas pour les alerter d'un danger qu'on leur demandait de s'éloigner. « Pouvez-vous nous expliquer ce que signifie ceci ? » s'enquit-il fermement. « Ceci est de la responsabilité exclusive du département des mystères, » revendiqua Funestar. « Et je peux vous assurer que le ministre va très prochainement confirmer ce que je viens de vous dire, et je vous demande une dernière fois de reculer, sinon je ne réponds plus de rien. » Il y eut quelques secondes de tension, durant lesquelles ni les aurores ni les briseurs de sorts ne bougèrent. Harry passait ses options en revue et décida qu'il n'avait rien à gagner à se mettre Funestar à dos. Ils avaient besoin de lui. De plus, même sans avoir jamais étudié les runes, il en avait vu passer assez au cours de sa carrière pour savoir que ceux qui se trouvaient sur la fontaine étaient très atypiques. Il y avait peu de chances que l'un d'eux puisse les déchiffrer. « Effectivement, cela m'a l'air d'être davantage de votre compétence que de la mienne », finit-il par dire d'un ton apaisant. « Tout le monde recule », ordonna-t-il à sa petite troupe en donnant l'exemple. Quand ils furent assez éloignés pour que Funestar, après un dernier regard suspicieux, retourne à sa tâche, Aurore et Briseur de sorts laissèrent échapper leur ressentiment. « Mais pour qui il se prend, ce fangieux ?» s'agaça l'une des briseuses de sorts. « Il faut qu'il arrête de nous parler comme à des elfes de maison », renchérit un de ses collègues. On se calme, les apaisa Harry. L'un de vous a-t-il reconnu un des signes gravés sur la fontaine ? Il y eut un silence, puis une des collègues de Bill dit « Ce sont des sortes de hiéroglyphes. Cela doit dater du temps où on utilisait le vieil égyptien pour les formules magiques. C'était avant que le latin ne s'impose dans le monde occidental. » « Ce sont des pré-hiéroglyphes, précisa Bill, qui avait passé plusieurs années en Égypte. C'est composé d'un mélange de signes figuratifs et de caractères cunéiformes. Très peu de personnes savent les lire. Et toi, tu peux le faire sans Kiari ?»« Pas sans un lexique, sachant qu'il n'existe pas de lexique complet. Nous n'avons donc aucune raison de contrarier Funestar, » en conclut Harry. « On lui laisse ses pré-hiéroglyphes en espérant qu'il saura les déchiffrer. »« Mais pourquoi nous a-t-il viré ?» questionna Alicia. Cela ne signifie rien pour nous. Il y eut un silence méditatif, puis Dayo avança. Ce doit être de la très haute magie, à ne pas mettre entre toutes les mains. Les rochers qui balisent le site sont en anglais, pour que chacun puisse le lire. Ce qui est écrit sur la fontaine est destiné à des mages avancés. Des mages comme on en a au département des mystères, explicita Harry. Les briseurs de sorts eurent tous l'air écœurés de devoir admettre la supériorité de Funestar dans ce cas précis. Eh bien, il n'a pas fini de se prendre pour Merlin, conclut Bill d'une voix dégoûtée. Harry avait demandé à Dayo de rester sur la zone tant que les langues de plomb y demeuraient. Il apprit par miroir vers minuit que Funestar et son équipe avaient enfin vidé les lieux, mais qu'ils avaient laissé des protections magiques tout autour de la fontaine pour empêcher quiconque de s'en approcher. Ackerley, ayant confirmé que le département des mystères était le seul à être habilité à prendre connaissance des inscriptions, cela ne dérangea pas Harry. Aurore et Briseur de sorts furent les seuls à retourner sur les lieux le lendemain matin. Les collègues de Bill arrivèrent finalement à monter un mur efficace autour du village. L'électricité ne revint pas, mais les appareils à piles se remirent à marcher, ainsi que les téléphones et les voitures. Les sorciers ne pouvaient pas faire mieux. Compte tenu des puissants repousses moldues, il fut décidé que la zone était sécurisée, à défaut d'être stabilisée. En accord avec le ministre, Harry décréta qu'il pouvait évacuer les lieux en attendant le retour du département des mystères. Ce ne fut que 3 jours plus tard que Harry fut convoqué dans le bureau du ministre par une note de service comminatoire signée de Funistar. Le Langue-de-Plomb et l'Aurore arrivèrent au même moment sur les lieux. Amusé par l'air important que prenait le chef de département, Harry le laissa passer devant lui, sans s'offusquer de ne même pas être salué. Le ministre les accueillit civilement tous les deux et posa un sort de confidentialité sur la porte. Approuvé d'un mouvement de tête par Funestar, celui-ci prit la parole, sans introduction. « J'ai déterminé que le lieu qui nous occupe, dénommé Knok Fiadech, sur les anciennes cartes, est une source naturelle de grande magie. Ce genre d'endroit abonde et est souvent le siège de lieux de culte, toutes religions confondues. Mais certaines de ces sources sont si puissantes qu'elles sont néfastes pour les êtres vivants. Les moldus considèrent généralement ces terres comme maudites et les fuient. Quand c'est possible, les sorciers posent des sceaux pour en limiter les effets et ont la sagesse de ne pas y implanter de lieu de vie. Car si un sceau peut être mis, il peut aussi être retiré et il est inutile de prendre des risques. Les moldus, qui ne savent rien et ne sentent rien, s'installent n'importe où, conclut Funestar d'un ton qui laissait deviner le peu de considération qu'il avait pour les non-sorciers. Harry, qui connaissait les origines à moitié moldues du ministre, échangea avec Ackerley un regard désabusé. La suffisance et le manque de tact de Funestar étaient au-delà de toute indignation et avaient pour effet de rendre les deux hommes complices, malgré leurs différents passés. « Pensez-vous que quelqu'un ait retiré ce sceau ?» interrogea le ministre, se concentrant de façon louable sur la situation présente. « C'est peu probable. » Le tremblement de terre, qui a été ressenti dans la région le matin même, en est sans doute la cause. Et si c'était le retrait du sceau qui avait déclenché le tremblement de terre, sans Kiari ? Il faudrait un sorcier avec un niveau magique exceptionnel pour y parvenir, opposa Funestar. Dumbledore ou vous savez qui serait encore parmi nous. Je considérerais l'hypothèse. Mais de nos jours, qui pourrait y arriver ? Ce fut au tour d'Ackerley de jeter un regard désolé à Harry. Comme pour s'excuser de lui imposer ce prétentieux qui semblait oublier que le vainqueur de Voldemort se trouvait dans la pièce. Harry lui répondit par un sourire apaisant. Il savait qu'il était loin d'égaler la puissance des 2 célébrités citées par le chef du département des mystères. Mais comme l'en avait supplié un jour Ginny, il gardait cette information secrète pour permettre à la communauté magique de dormir sur ses 2 oreilles. Finistère, inconscient des échanges silencieux de ses deux interlocuteurs, continuait. Merlin, merci. Les sorciers des siècles passés ont fait le nécessaire pour parer à toute éventualité et ont inscrit sur la fontaine, à l'intention des plus érudits, la manière de reposer le sceau en cas de besoin. J'ai pu déterminer quel était le rituel à mettre en place et le moment le plus adéquat pour l'exécuter. Qui est ? Demanda Carley. La prochaine pleine lune. Dans une semaine donc, spécifia le ministre après avoir consulté le calendrier qui se trouvait au mur. C'est cela. Nous avons le choix entre trois nuits possibles. Celle où la lune est la plus pleine et les deux nuits qui l'encadrent. Si on rate le coche, il faut attendre la prochaine lunaison. Quelque chose m'intrigue, intervint Harry. Pourquoi rendre l'explication de la remise du sceau si difficile à déchiffrer? Cela ne devrait-il pas au contraire être largement partagé? Le chef de département le regarda avec commisération. Parce que savoir comment poser un sceau fait comprendre comment le briser, répondit-il sur le ton de l'évidence. Je vois, admit Harry. C'est pour cette raison que tout ceci doit rester entre nous, insista Finistère. Nous devons penser aux générations futures. Est-ce vous qui allez poser le sceau ? Interrogea Carley. Pour la première fois depuis le début de la conversation, et même depuis que Harry avait fait sa connaissance, le chercheur sembla perdre un peu de sa superbe. Il y a quelques années, peut-être, commença-t-il d'une voix moins conquérante. Mais après deux décennies à faire don de mon esprit à la science, il est possible que j'ai perdu quelques réflexes. Il faut donc que nous trouvions la bonne personne ? Monsieur le ministre, le coupa Finistère, j'ai bien précisé, il me semble, que tout ceci devait rester entre nous. Il eut un silence, puis de nouveau Harry et Carley se regardaient. Je suppose que vous allez confier ce soin au commandant Potter, alors, avança finalement Carley. Qui d'autre ? Lui fut-il répondu. Je croyais que je n'avais pas la puissance nécessaire pour retirer le sceau, rappela Harry. Il faut évidemment beaucoup plus de maîtrise magique pour le retirer que pour le mettre. Ce n'est pas manipuler le sceau qui est le plus exigeant, mais de survivre à la puissance libérée, fit Finistère d'une voix agacée, comme fatiguée par sa lenteur de compréhension. Tout s'explique alors, commenta Harry d'un ton exagérément niais. Le ministre tout sauta pour cacher son sourire et demanda. Je suppose, commandant Potter, que cela signifie que vous acceptez cette lourde responsabilité. Je ne peux me soustraire à mes responsabilités envers les générations futures, confirma Harry avec emphase. Harry riait beaucoup moins quand il dut accompagner Finistère au département des mystères et qu'il se retrouva enfermé dans son bureau. Celui-ci lui montra un long rouleau de parchemin, recouvert de signes ésotériques et de diagrammes. « Ceci est la procédure à suivre. Je la détruirai quand j'en aurai terminé avec cette source de magie. Cela va sans dire. »« Vous devez apprendre par cœur les incantations à prononcer. » »« Nous verrons plus tard pour les mouvements et le tempo. » Harry se vit remettre une feuille contenant une trentaine de formules qui ne lui rappelaient rien. Ce n'était juste qu'une suite de syllabes. Même certaines lettres ne lui étaient pas familières. « Mais comment voulez-vous que je mémorise ça ?» s'affola le commandant des aurores qui n'avait jamais brillé dans l'aspect théorique de ses études. « Vous ne sortirez pas d'ici sans les savoir », se borna à répliquer le chef du département des mystères. Il fallut 2 heures à Harry pour simplement arriver à prononcer correctement les syllabes inhabituelles, et encore, avec un épouvantable accent au dire de son précepteur. Une fois cet écueil surmonté, le commandant des aurores eut la surprise de sentir le rythme inhérent à chaque incantation. Les restituer ne fut pas aussi difficile qu'il l'avait craint. Marcher en parlant l'aida beaucoup, ses jambes arrivant mieux que sa tête à mémoriser l'enchaînement des différents tempos. Harry était presque à faune quand son irascible professeur le libéra enfin, le convoqua pour le lendemain sans faute. Il était déjà 18h et il espéra que Stanislas n'avait pas de problème à lui soumettre. « Ah, te voilà !» s'exclama son adjoint quand il franchit la porte de son bureau. « Désolé, j'ai été retenu, » s'excusa Harry. « Je le sais bien. » En ne te voyant pas revenir, j'ai demandé à Mandy si tu te trouvais encore avec le ministre et elle m'a dit que tu étais parti avec Finistère. Au bout de 2 heures, je suis allée me renseigner au département des mystères, mais là, on m'a dit qu'il était impossible de déranger leur patron et que tu étais avec lui. Je commençais à me demander si je ne devais pas envoyer une escouade de secours te récupérer. « Ça aurait été drôle, » répondit Harry. Et ce sourire, sachant pertinemment que ce projet était impossible. Ils avaient tous les deux visité ce département lors d'une enquête commune et savaient à quoi s'en tenir. « Le reste de la semaine, week-end compris, Harry consacra une heure par jour à apprendre son rôle. À partir de la troisième séance, il dut joindre les gestes aux incantations. Puis ce furent des pas qui s'ajoutèrent, heureusement en accord avec le rythme des paroles. Harry se disait qu'il pouvait tout réciter en dormant, ce qu'il espéra ne pas faire, ne voulant pas mêler Ginny à cette histoire. De son côté, Bill le tenait au courant des actions des briseurs de sorts. Ils se relayaient pour entretenir le mur qu'ils avaient monté et vérifier que le niveau général de magie restait stable autour du village Moldu. Le lundi suivant, à deux jours de la pleine lune, Harry et Funestar se rendirent sur le site et firent ce que le commandant des Aurores appela, en son fort intérieur, une répétition générale. Des piquets de bois et des pierres marquaient les endroits où Harry devait se diriger ou s'arrêter. Durant ces exercices, il dut mimer les gestes sans sortir sa baguette cependant, pour ne pas lancer réellement les sorts de façon involontaire. « Ce n'est pas parfait, mais ça devrait suffire pour demain soir », finit par lâcher Funestar au bout de deux heures de travail. « Je vous interdis l'utilisation de la magie à partir de maintenant. Soyez dans l'atrium à 23 heures précises. » La nuit suivante, veille de la pleine lune, Tristan Funestar fit transplaner Harry sur le site une demi-heure avant le lever de l'astre céleste. Il faisait très sombre sous les étoiles et le vent froid ne rendait pas l'attente agréable. Ayant l'interdiction de lancer un simple lumos, Harry ne put vérifier si toutes ses balises étaient au bon endroit, mais il supposa que le langue de plomb l'avait fait avant son arrivée. Ce n'était pas homme à laisser place au hasard et à l'improvisation. En attendant le bon moment, Harry répéta tout bas sa litanie et quand la lune se leva, il était prêt. Partant du caillou près de la fontaine que Funestar avait placé pour marquer son premier emplacement, il enchaîna paroles et gestes. Il fut étonné de la facilité de l'exercice. Les syllabes si étranges coulaient avec fluidité de sa bouche et l'air vibrait en harmonie avec son corps. Il sentait la magie remonter de la terre vers son cœur, en passant par ses plantes de pied, son bassin et sa colonne vertébrale. Enfin, il arriva au terme de l'incantation. Il sentit le sol trembler sous ses pieds. Sa baguette vibra dans sa main avec tellement de force qu'il faillit la laisser échapper. Puis tout s'apaisa. Harry souffla de soulagement avant de se rendre compte que quelque chose clochait. Son parcours l'avait amené à l'extrême limite de la zone inabordable. Il tenta d'avancer d'un pas, mais sentit la même résistance qu'auparavant. La magie était toujours là. Il avait échoué.